pas beaucoup d'attache. C'est lorsque l'on s'ennuie que l'on fait des achats. Je reviens de Colombie, j'attends mon bagage. J'essaie de deviner quelle salope a de l'arabe dans la chatte. Aucune honte à avoir. Ma mère avait du mal à payer son loyer, mais grâce à Dieu, je suis là pour elle. Le soir, je me mets à boire. Je suis le même dans le miroir. Elle fait 95 des naturels avec des œufs de miel. La même couleur qu'à sous la crosse d'une calache. Les deux peuvent t'envoyer au ciel. Ils s'entendaient bien, c'était de vrais assos. Il lui a mis dans la tête pour une histoire d'oseille. Mon contrat vaut la baraque à Olivier Nus, Cogno. Je vais pouvoir épouser Cendrillon, Embryon. L'année d'avant j'avais la patte avec Nautilus. Là j'ai la patte avec Tambillon. Ils n'ont pas les mêmes charismes, pas les mêmes épaules. Tu voudrais faire comme moi mais tu sais pas t'y prendre. Y'a des gros gaillards dans la rue qui me demandent des photos. Ils me donnent leur téléphone, ils ont les mains qui tremblent. C'est vrai, je viens des gens, je suis réfait du coin. Que Dieu m'en soit témoin, oui je reviens de loin. Tellement loin, j'ai pu faire quelques affaires avec ton père. S'il est actif dans les années 2000. Je connais la trahison de l'homme et le vice de la femme. De la fleur qui se fane, de la douleur de la flamme. Plus je connais celle qui avale et le bruit de la rafale. Je connais des femmes, putain c'est des merveilles. Je connais des mecs qui étaient chauds et qui ont beaucoup parlé. Là, canon dans la bouche, ils ont pissé sur eux. On prend la route d'un convoi de trois voitureux. Mes enfants, c'est leur père et tu le vois sur eux. Ils disent que je vends du rêve, ouais mais je les vis. Je te rassure, mes cauchemars sont aussi forts. J'ai un cœur, je suis rempli en émotion. Mais toi tu vois que mes chaussures. Beaucoup sur le dos, je vais quand même t'aider. Force pas, sur ma colonne y'a des fissures. Elle me dit je t'aime dans une villa avec vue sur la mer. Me dirait-elle pareil, c'est toutes les fois de moi j'étais dans la merde. Le mental est fort. Aussi fort que ton coffre-fort. Je fais des efforts, des grosses couilles et une barre de fer. On a apprivoisé dans ma tour d'ivoire. Le pouvoir d'ivoire, oui mon rêve, va falloir t'y faire. Sur le banc des accusés, tu lui dis que tu veux des gosses mais dans une tenue abusée. Ouais, ouais, au complice ce qu'on a blessé. Je te dis pas la note du reste où tu vas faire un ABC. Ce matin j'ai pris le large. Après 200 mètres à la nage. Allons prendre un petit déj, ma maison est à la page. Mais l'amour est à la déj. Donc j'ai pris deux femmes de ménage, la peau du piton est beige. Petit tac à tourner la page. Mon cœur a brûlé dans la neige et mes 10 ans près d'un chauffage. Puis rangé dans un sarcophage. J'ai prié Dieu pour qu'on m'allège. Le T-Max a tourné toute la nuit. Je crois que je vais me faire ce petit fils de pute en guise de sacrifice. Et comme dans Gomorrah, je me vengerai sur la même place. Une rafale avec un beau feu d'artifice. Je dors avec elle, je la vois me faire mes poches. Je reste en blanc jusqu'à demain. Pour que cette petite